Le crépuscule embrase le ciel. Riders qui le veille, fidèle sentinelle. Le vent porte des ombres silencieuses. La nuit commence dangereuse et mystérieuse. Les armes sont prêtes, la team en alerte. Chaque regard porte une promesse ouverte. Les murs tiennent face au vent glacé. Dans ce monde rude, rien n'est jamais, jamais oublié. Les pas dans l'ombre marquent la route. Le grain sans fin, sans aucune déroute. Les murmures dansent sous la lune claire. Riders qui chantent, guident la guerre. Le combat se prépare, le cœur en feu. Dans la forêt sombre, l'espoir est mieux. Les étoiles veillent sur nos pas, unis pour le combat. Attention, fait écho. Les raids rondent, le feu crépite. La team résiste, jamais elle n'hésite. Les visages fatigués mais déterminés portent la flamme d'un avenir gagné. Les cœurs les tambours battent, nos voix s'entrelacent, la foi éclate. Le combat s'intensifie, la lumière guide dans cette nuit, la légende décide. Le grind continue, la bataille rugit. Team construit. Les bases tiennent, solides et fières. Chaque victoire est une lumière claire. Le feu brûle, l'espoir grandit. Chaque jour, la guerre s'écrit. Le calme revient, la nuit. La lutte est sacrée. forêt s'éveille, les voix s'élèvent, défiant l'éveil. Riders qu'ils mènent, la team répond. Dans ce combat, la victoire est ronde. Les bases tiennent, la lutte persiste. Dans ce monde sauvage, rien. Une nouvelle page s'achève. Riders qui avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire.